Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'avènement de la 5e République. Il y a quelques mois, nous vous avons raconté la chute de la 4e et du coup de force qui a permis au général de Gaulle de revenir au pouvoir. Cette émission est toujours en ligne, comme toutes les émissions d'Affaires sensibles d'ailleurs. L'objet ici n'est donc pas de rappeler les événements de mai 58, mais d'évoquer ce qui s'est passé après, dans les semaines et les mois, durant lesquels ce régime politique de la 5e, le nôtre, aujourd'hui encore, est né. Pendant une heure, nous allons vous plonger dans l'histoire peu racontée de cette période fertile qui a vu des hommes concevoir en un temps record une nouvelle république issue essentiellement d'une crise de régime provoquée par la question algérienne. L'aventure fut-elle démocratique? Vous jugerez. Mais surtout, comment le général de Gaulle a-t-il obtenu l'assentiment du peuple pour la mise en place de cette nouvelle gouvernance qui, aujourd'hui encore, suscite la curiosité dans le monde? Car voilà un régime qui donne à l'exécutif l'essentiel des pouvoirs et surtout qui fait de son chef, le président, une sorte de monarque républicain, un cas très particulier dans le monde démocratique. Notre invité aujourd'hui, Thomas Legrand, chroniqueur politique à France Inter, auteur d'une bande dessinée sur la 5e République, livre drôle, parfois pédagogique toujours. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ah, il n'y a pas moyen. Que les motos se mettent en pointe. Mes amis, vive la France, vive l'Algérie française. Mai 1958. Après des semaines de troubles en Algérie et à Paris, le président de la République, René Coty, appelle à l'aide le plus illustre des Français. 4 ans et demi auront bientôt passé sans que mes appels de plus en plus instants soient suivis d'effets. Quelles que fussent la valeur et le patriotisme des hommes qui se sont succédés au pouvoir, l'État n'a cessé de se désagréger. Nous voici maintenant au bord de la guerre civile. De part et d'autre, on semble s'apprêter au combat fratricide. Sommes-nous donc une nation où la force pourrait primer le droit? Quels que soient les vainqueurs provisoires, que resterait-il, après une lutte inexpiable, que resterait-il de notre France? Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour établir la République. Et c'est ainsi que Charles de Gaulle, l'homme de juin 40, devient l'homme de mai 58. Au lendemain de la libération, le général préfère quitter la scène politique et cette 4e République dont il combat l'esprit dès son instauration. Le régime des partis, dit-il, avec une condescendance non dissimulée. Retiré dans sa maison de Colombey les deux églises, il préfère observer et manœuvrer à distance, afin que les événements fassent de lui l'homme providentiel. Il attend ainsi 12 ans, pendant lesquelles les gouvernements de la 4e se succèdent à un rythme effréné, 22 en tout. Et alors? C'est le propre des régimes parlementaires. Nos voisins européens ont adopté cette gouvernance, eux aussi. Mais à cette époque, en France se pose une question fondamentale et particulière. L'aspiration des peuples colonisés à prendre en main leur destin. Après la Seconde Guerre mondiale, ils refusent de rester les obligés de peuples dits civilisateurs. L'ère est alors à l'indépendance, à l'égalité des hommes, à la révolution, armée ou non. Peu à peu comme d'autres, l'Empire français s'effrite. Laos, Cambodge, Indochine, Maroc, Tunisie, tous décroche le drapeau français des bâtiments officiels, mais en Algérie, le processus tourne mal jusqu'à la guerre, qui débute le jour de la Toussaint 1954. Pour y faire face, la 4e envoie des légionnaires, des blindés et même des appelés. Des zones interdites sont créées, des populations sont déplacées, des hommes sont torturés, tués. C'est dans ce contexte, et après un nouveau coup de force populaire dans lequel les militaires ont pris parti, que le général de Gaulle et ses hommes obligent le président de la République d'alors, René Coty, à leur confier le pouvoir. Disons plus justement qu'ils le mettent au pied du mur. Le 1er juin 1958, le général, fraîchement nommé président du Conseil, se présente à l'Assemblée afin de demander la confiance des députés. À la tribune, il lit un texte court. Il annonce son gouvernement, demande la reconduction des pouvoirs spéciaux en Algérie, les pleins pouvoirs, ainsi que la possibilité de réformer l'article 90 de la Constitution. Car si le général a accepté de revenir, c'était une condition, changer la République. Ce que signifie, en l'occurrence, changer de République, on le verra plus tard, et mettre au rancard les députés de cette quatrième qu'il méprise tant. D'ailleurs, à la fin de son discours, il ne daigne pas s'asseoir à leur côté, non. Il quitte la tribune sans écouter un seul député. Il n'est donc pas présent quand François Mitterrand tente de convaincre ses collègues de refuser l'investiture au général. L'ancien ministre d'État, des Outre-mer, de l'Intérieur et de la Justice illustre son opposition par cette formule. En 1944, le général de Gaulle avait auprès de lui deux compagnons qui s'appelaient l'honneur et la patrie. Ses compagnons aujourd'hui se nomment coup de force et sédition. Sauf qu'en ce 1er juin 1958, 329 députés contre 224 suivent de nouveau le général, légitimant ainsi son retour aux affaires et sa volonté de réformer la Constitution. Mais que savent-ils de ces projets ? De l'Assemblée jusqu'aux salles de rédaction, personne ne connaît vraiment le fond de la pensée de Charles de Gaulle. Comme le confirme Raymond Jeannot, un haut fonctionnaire du Conseil d'État qui a rejoint à la fin du mois de mai 58 le cercle des proches du général. J'ai accompagné le général à l'Assemblée pour le discours d'investiture. Et je me rappelle tout à fait que un député socialiste dont j'ai oublié le nom, j'étais peut-être dans le banc derrière le gouvernement, et il y avait un socialiste qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette Constitution ?» Et je lui ai répondu quelque chose qu'il n'a pas cru. J'ai répondu « Mais je ne sais pas et je pense que nous ne savons pas. Nous avons des grands principes que vous connaissez, qui ont été rendus publics. » Mais maintenant, il va falloir les mettre en œuvre. Et là, je suis persuadé que cet homme ne m'a pas cru, enfin, visiblement. Enfin, et parce que ça lui paraissait inimaginable qu'on n'ait pas déjà un projet tout préfabriqué. Ils ne savent qu'une chose, c'est que le général veut faire vite. En acceptant de devenir président du Conseil, de Gaulle est devenu un homme de la quatrième. Et c'est avec les règles de cette République-là qu'il doit diriger le pays. Il faut donc battre le fer tant qu'il est chaud. Le soir même de son investiture, la bataille constitutionnelle est lancée. Le premier acte concerne la méthode de rédaction. Selon les statuts de la quatrième, ce sont les députés qui en ont la charge. De Gaulle refuse et propose de réformer cet article afin que ce soit le Conseil des ministres, soutenu par l'expertise de quelques personnalités compétentes, qui rédige cette constitution, et puis que ce soit les Français qui l'adoptent, ou la rejettent d'ailleurs. Par référendum. Bien. Sauf que les députés se cabrent, évidemment, et la fronde s'organise. Alors, le gouvernement écoute, rejette quelques idées, dont celle de soumettre la Constitution au vote des députés, mais il accepte la création d'un comité consultatif constitutionnel, dans lequel des membres de l'Assemblée seront évidemment désignés. Le projet de loi doit être voté le lendemain, le 2 juin. Alors, dès l'accord obtenu, les ministres filent à la présidence du Conseil pour obtenir l'aval du général et envoyer à l'imprimerie nationale l'article rectificatif afin que le vote ne soit pas décalé. Mais il y a un problème. À leur arrivée, le général dort. Oui, de Gaulle dort et personne n'ose le réveiller. Pire, aucun ministre ne souhaite prendre la responsabilité de signer en son nom le document rectificatif. C'est alors que Raymond Jeannot, que vous avez entendu tout à l'heure, prend une initiative inattendue. Il imite la signature de Charles de Gaulle. Et c'est ainsi que le 2 juin, comme prévu, les projets de loi demandés par le général sont discutés à l'Assemblée. Selon la légende, de Gaulle était à l'encontre de son conseiller furieux, mais aussi satisfait de pouvoir garder la main sur les événements. Le 2 juin, conformément à ses exigences, la reconduction des pouvoirs spéciaux en Algérie, tout comme les pleins pouvoirs, sont accordés au gouvernement pour 6 mois. mais pour la modification de l'article 90 de la Constitution, c'est plus compliqué. Mais sous la quatrième, quand vous trouvez porte close, vous pouvez toujours vous faufiler par la fenêtre. Et c'est ce qui arrive. En commission, un député radical socialiste réussit à faire adopter un amendement qui stipule que le texte obtienne le soutien de l'Assemblée. La quatrième va mal, mais apparemment elle n'a pas encore envie de mourir. Face à la situation, le général décide de plonger dans l'arène. À 21h25, à la surprise de tous, il est là, sur le banc de l'Assemblée, pour la faire plier par le verbe. Et ça marche. En quelques heures, la fronde se limite à quelques-uns. Peu après minuit, le sous-amendement d'un député radical socialiste est rejeté et la réforme proposée par le gouvernement est adoptée à une très large majorité. Le lendemain, le 4 juin, le Conseil des ministres adopte les différents points du projet de loi. De Gaulle a désormais les coudées franches pour tracer sa route et écrire sa constitution. Le même jour, il s'envole pour Alger afin de rassurer la population et remettre dans le rang ses militaires qui ont permis son retour. Dès son arrivée, au balcon du gouvernement général, De Gaulle lance son fameux « Je vous ai compris !» Je sais ce qui s'est passé ici. Comprenne qui pourra. Ce « je vous ai compris » restera en effet la phrase la plus énigmatique de notre histoire récente. Alors que De Gaulle est célébré d'Alger à Oran, de Constantine à Mostaganem, à Paris c'est le branle-bas de combat. Le garde des Sceaux, Michel Debré, réunit autour de lui des hommes de confiance afin d'entamer le travail sur la Constitution. Le 13 juin, une première réunion a lieu à l'hôtel Matignon en présence du général. Secrètement, tous espèrent qu'il va sortir un texte de sa poche, un premier jet, un brouillon de sa Constitution. Eh bien non, sans aucune note, assez détendu, il rappelle juste ses grands principes. La séparation des pouvoirs, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et surtout, le nouveau rôle attribué au président de la République. Des éléments qu'il avait déjà révélés en 1946 à Bayeux. C'est le chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française en même temps que celui de la République, c'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier. 12 ans plus tard, le 13 juin 1958, la pensée du général n'a pas changé d'un iota. Il tient bon sur ses principes. Pour les détails, il charge ses équipes de réfléchir et d'écrire les articles « Je donne le cap, vous appliquez », une méthode qui préfigure la gouvernance sous la cinquième, Jean Jordan, il exécute. Autour de la table, ce sont les deux anciens chefs du gouvernement, Guy Mollet et Pierre Pumelin, qu'on entend le plus. Le premier plaide pour que le Parlement reste maître de son ordre du jour. Le second obtient que le gouvernement détermine et conduise la politique de la France et propose dans la foulée, plus royaliste que le roi, un article qui fera date, l'article 49 alinéa 3, le fameux 49-3, qui permet de passer outre le vote des députés quand on sent que sa majorité chancelle. Bref, on avance. Le soir même, De Gaulle prend la parole pour informer les Français qu'à l'automne, ils seront appelés à voter pour ou contre cette constitution. J'ai pour tâche, avec mon gouvernement, de proposer à notre peuple des institutions nouvelles, telles qu'il y ait dans la République des pouvoirs assez forts, assez stables, assez efficaces pour répondre de son destin. Française, Français, c'est vous qui alors déciderez par vos suffrages de cette réforme capitale et par là, du sort de la France. La route est dure, mais qu'elle est belle. Le but est difficile, mais qu'il est grand. Allons, le départ est donné. Voilà, le départ est donné. Presque. car les discussions s'éternisent. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela a le don d'exaspérer le général. Le 7 juillet, par exemple, il propose qu'un ministre ne pourra pas en même temps être parlementaire. Michel Debré, lui, va plus loin et soumet l'idée que chaque ministre abandonne également ses fonctions de maire ou de président de conseil général. C'est la lutte contre le cumul des mandats, première version. Et cela concerne beaucoup d'élus, autant de cumulards, qui refusent bien sûr la réforme. Le premier d'entre eux s'appelle Guy Mollet. Lors de cette discussion, l'ancien président du conseil, mais surtout indéboulonnable maire d'Arras, s'indigne et menace « Attention, cette disposition pourrait faire gagner le non-référendum ». Mollet gagne la partie, mais ses négociations de bout de table poussent De Gaulle à accélérer les choses. 3 jours après cette controverse, le général convoque son ministre de la Justice et lui dit « Vous allez vous retirer dans une thébaïde, vous emmènerez avec vous 2 ou 3 de vos collaborateurs en qui vous avez confiance, pas plus. Quand on est plus nombreux, on ne travaille pas en cause. Et vous reviendrez avec un texte complet. Allez, à vos ordres, mon général. » Le lendemain, Debré s'enferme au château de la Selle-Saint-Cloud avec Raymond Jeannot, Jean Marmé ainsi que Jérôme Solal-Séligny. Mission, écrire au plus vite les articles de la Constitution. L'aréopage travaille ainsi jour et nuit, accompagné d'une dactylo qui rédige les propos de ces messieurs. Seul Michel Debré rentre le soir à Paris, puis revient au petit matin. Et c'est ainsi qu'en 3 jours, par 4 hommes, l'avant-projet de la Constitution est rédigé. On a vu plus démocratique, surtout que ce texte reste toujours secret pour les journalistes, les chefs de parti et même pour le président de la République en place, René Coty, alors que sans lui, rappelons-le, le retour du général aurait été frappé d'inégalité. De Gaulle se méfie-t-il ou se pense-t-il déjà au-dessus de lui et de tous les autres ? Le 23 juillet, l'avant-projet est présenté à l'ensemble du gouvernement. Le général lit un à un chacun des 77 articles. Michel Debré commente, les ministres proposent des rectifications, la discussion dure ainsi plus de 12 heures. Un article est ajouté, l'esprit de la Constitution reste intact. Le 26 juillet, un nouvel avant-projet est transmis à l'imprimerie des journaux officiels. 3 jours plus tard, le comité consultatif constitutionnel ouvre sa première séance. Les journalistes de Paris vous parlent sont sur place. Les applaudissements que vous entendez viennent de saluer l'arrivée du général de Gaulle qui pénètre sous les colonnades du Palais Royal. Le président du Conseil gravit maintenant lentement les marches qui le conduisent vers la salle des délibérations. Et vous entendez probablement les flashs des photographes qui crépitent pendant que le président du Conseil monte dans la salle des délibérations. Mais malheureusement, cette salle des délibérations nous est fermée puisque vous savez que les travaux se déroulent à huis clos. La Constitution de la 5e n'est pour l'heure que rumeur, quelque chose dont on parle mais qu'on n'a jamais vu. De Gaulle préfère ne pas lever le voile sur son texte pour éviter sans doute que l'opposition entame sa campagne pour le non. Les discussions du comité consultatif constitutionnel durent 15 jours durant lesquels les 39 membres proposent d'amender 58 articles sur les 78. La seule avancée importante concerne le statut du territoire de l'Empire colonial. Pour remplacer l'Union française de la 4e, l'avant-projet proposait le terme de « fédération ». Finalement, c'est le terme « communauté » qui lui est préféré. Les États de la communauté, donc, jouissent de l'autonomie, s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Les colonies et les volontés d'indépendance ont été l'une des causes de la chute de la 4e. Alors faire comme si ça n'existait pas pourrait mettre en péril l'adoption de la nouvelle constitution. D'autant plus que les territoires coloniaux représentent plus de 14 millions d'électeurs. Et c'est donc en Afrique que le général entame sa campagne pour la 5e République. Le 21 août, il est à Madagascar. Le 23, c'est au Congo, dans la ville de Brazzaville, la même où en 1944, lors d'une conférence, lui et le Comité français de libération nationale avaient aboli le code d'indigénat et proposé une nouvelle politique en faveur des colonies. C'est là que le général décide d'écrire une nouvelle page avec les peuples d'Afrique. À la tribune, il annonce. Nous savons tous que nous commençons une période nouvelle dans notre destin. Dans le destin franco-africain, c'est la période de la communauté, de la communauté franco-africaine, établie par le libre consentement, la libre détermination de tous ceux qui vont en faire partie, et en particulier, j'en suis sûr, du Congo, de l'Oubangui, du Tchad et du Gabon. Un oui n'interdit en rien une indépendance prochaine. Voilà la promesse qu'il délivre à l'Afrique francophone. Il s'assure ainsi un vote massif pour son texte. À part en Guinée, où son leader Sékou Touré a souhaité marquer sa distance avec le général et sa communauté, l'Afrique francophone réserve tout au long de ce voyage un triomphe au président du Conseil. À Paris aussi, la Constitution avance. Après l'avis du Conseil constitutionnel consultatif, c'est le Conseil d'État qui rend son avis le 28 août. Le texte est conforme à la loi. Voilà. Désormais prête, la Constitution peut être présentée à l'ensemble des partis politiques et aux Français qui, le 28 septembre, devront voter oui ou non pour la Ve République. Combien seront-ils à se déplacer? Qui seront ses opposants? Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon, alors tais-toi. Y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. Plaque la Jaguar, fait une embardée, et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler. Simon qui vous parle de la place de la République. Eh bien, ce soir encore, Paris et la France ont un rendez-vous avec l'histoire. Et ce n'est certes pas par hasard s'ils y sont conviés en ce jour et en ce lieu. En ce jour anniversaire de celui, voilà 88 ans, la Troisième République naissait de la défaite de l'Empire. Depuis juin 1958, la Constitution de la Cinquième s'est écrite à l'abri des regards. Michel Debré, garde des Sceaux, a tenu en partie la plume, il a rassuré les anciens tenants de la Quatrième et il a convaincu le général d'accepter quelques concessions. Mais en ce 4 septembre 1958, c'est une autre bataille qui commence, celle du verbe, du spectacle et de la campagne. Pour cette mission, le garde des Sceaux a laissé sa place au ministre en charge de l'information et de la culture, André Malraux. C'est lui qui a eu l'idée d'une représentation grandiose sur la place de la République. Tout a été prévu avec minutie. D'importants travaux ont permis de sécuriser la place, mais aussi d'élever un immense V tricolore de 40 mètres de haut. Oui, un V, comme le chiffre romain 5, bien sûr, mais aussi pour rappeler le signe de la victoire de la France libre, ces années où pour tous les Français, De Gaulle est devenu le général. À 18h15, après une introduction du ministre de l'Éducation, André Malraux, de la Culture, qui déclame comme un comédien du théâtre grec antique, il prend la parole. Citoyens, citoyennes, quand le 14 juillet, j'ai dit place de l'Hôtel de Ville, que si certains voulaient la République sans le général de Gaulle et d'autres le général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le général de Gaulle. Il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du général de Gaulle avec la République. Le peuple de Paris est là! Et en chauffeur de foule, il conclut: ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle! À cet instant précis, l'immense rideau qui cachait la tribune s'ouvre, laissant passer la déesse du général. De Gaulle descend, puis monte sur l'estrade qui culmine la place. Il lève les bras pour former un V et dérouler son idée force, moi ou le chaos. La foule applaudit, une foule de 100 000 personnes, triées sur le volet par peur de terrorisme, mais aussi pour éviter que les enregistrements des discours soient accompagnés de sifflets. Les opposants, communistes notamment, ont été parqués à quelques rues de là, entourés par de nombreux gardes mobiles. Ainsi, aucune bronca n'accompagne l'allocution du président du Conseil, durant laquelle il rappelle le contexte de son retour, la faiblesse des institutions de la 4e, les grandes lignes de sa 5e. Et puis, avec élan, il demande aux Français de le soutenir lors du vote pour le référendum prévu 3 semaines plus tard. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Si vous ne le faites pas, nous retomberons le jour même dans les errements que vous savez. Si vous le faites, la République deviendra forte et stable, pourvu que les hommes responsables sachent désormais le vouloir. Mais aussi, cette manifestation positive de la volonté nationale sera le signe que le peuple français recouvre son unité et du coup les chances de sa grandeur. Vive la République, vive la France! Face à ce barnum médiatique, les opposants à la Constitution n'ont que peu de chances pour exprimer leurs craintes vis-à-vis de ce texte qui fait du président de la République la clé de voûte des institutions. Sur l'Assemblée, le président a désormais l'ascendant, c'est moi qu'on puisse dire. Lui seul peut recourir à des pouvoirs spéciaux, lui seul peut décider de dissoudre le Parlement, lui seul est intouchable. Certes, les députés ont la possibilité de renverser le gouvernement, mais au risque de se renverser eux-mêmes. Alors, le feront-ils ? De nombreuses figures de la 4e tentent tant bien que mal de présenter aux Français les risques d'un texte pareil. Parmi eux, Pierre Mendès-France, ancien chef de gouvernement, figure de la résistance et compagnon de la libération du général. Meurtri déjà en juin, quand il a dû voter contre la confiance au nouveau président du Conseil, il devient en septembre 1958 l'une des voix du non à la Constitution. Au lendemain de la grande cérémonie de la République, il convoque la presse afin d'exprimer les raisons de ce refus. Étonnamment, si l'on en croit les archives de la radio et de la télé, il n'y avait aucun journaliste des médias publics ce jour-là, contrairement aux journalistes du Monde qui, eux, racontent en détail cette prise de parole. Pour Mendès, le président de la République devient un monarque non héréditaire. Le Parlement, une chambre qui n'a plus d'emprise sur le progrès économique et social, une chambre d'enregistrement en quelque sorte. Si la 4e était la République des partis, la 5e risque d'être celle de la bureaucratie, d'une technocratie irresponsable. La vérité, toujours selon Mendès, c'est qu'on se méfie du peuple. Pierre Mendès-France n'est pas le seul à se lever contre la Constitution du Général. Les communistes, le Parti Socialiste Autonome et d'autres à gauche expriment leur opposition face à ce nouveau régime politique que François Mitterrand qualifiera de coup d'État permanent en 1964. Ce même François Mitterrand qui pourtant endossera les habits de cette République-là avec délectation quand il sera à sa tête pendant 14 ans. La campagne pour le référendum sur la Constitution n'aura duré que 3 semaines. Oui, 3 semaines pour intéresser les Français, leur expliquer les conséquences de tel ou tel article sur la vie démocratique du pays. 3 semaines durant lesquelles De Gaulle et ses ministres font l'ouverture des journaux, notamment ceux de la dernière semaine de septembre, où le président du Conseil fait la tournée des grandes villes françaises. Alors, est-ce un référendum pour la Constitution ou un plébiscite pour le général comme au temps de Napoléon III, le dernier président de la Seconde République? Ah, c'est l'éternelle question. Avec un référendum, les Français répondent-ils à la question posée? Le 28 septembre, le résultat est sans appel. Le oui l'emporte avec 82,6% des suffrages. Seule la Guinée française a voté non, à 95%. Le 4 octobre 1958, devant les photographes, les caméras et les micros, Michel Debré impose le sceau de la République sur la 5e. En apposant le sceau de la République, héritier des sceaux du passé, dans cette chancellerie, le plus vieux de nos ministères, souhaitons longue durée et succès profond à ce texte, dépositaire des principes et des institutions de la nation, de cette nation française, gardienne irremplaçable de notre honneur et de nos libertés. La Ve République est née. Il reste néanmoins une dernière étape pour le général de Gaulle, la campagne présidentielle. Contrairement à aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas encore élu au suffrage universel, mais par un collège électoral d'environ 80 000 grands électeurs. L'élection se déroule le 21 décembre 1958. De Gaulle fait face au communiste Georges Marane et à l'UFD, Albert Châtelet. Il remporte l'élection avec plus de 78,5% des suffrages. Et le 8 janvier 1959, le général devient officiellement le premier président de la Ve République. Depuis cette date, la 5e a connu 24 révisions. De Gaulle lui-même a effectué quelques ajustements. Le plus important, et c'est bien plus qu'un ajustement, c'est même la mesure phare, l'élection du président de la République au suffrage universel, décidée en 1962 et mise en application 3 ans plus tard. Évidemment, ses successeurs ont tous profité pleinement de l'étendue des pouvoirs que cette constitution accorde au chef de l'État. Chef de l'État. Expression bien française, traduction de son régime politique renforcé par le quinquennat et surtout l'alignement de celui-ci avec la législature. Un président est élu. 5 semaines plus tard, il obtient mécaniquement une majorité à l'Assemblée et si cette même majorité se montre, disons, critique, indisciplinée, il sort le 49-3, circulé. Et c'est parti pour 5 ans, sous la domination du parti majoritaire, celui du président. La 4e était surnommée la République des partis, la 5e serait plutôt celle d'un parti. Certes, en 2008, une nouvelle réforme a donné un peu d'air aux parlementaires, mais cela a-t-il redonné confiance aux Français dans leurs institutions? On l'oublie souvent, mais les républiques ne sont pas éternelles. Elles meurent, elles aussi, d'une crise en principe. Crise de régime, guerre perdue, ou fracture entre la société et le pouvoir censé la représenter, phénomène qui peut-être aujourd'hui porte une couleur, le jaune. La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie 100 sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan, 4 murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie 100 sous, que tu le regretteras. Tu le regretteras beaucoup. Toi, De Gaulle, la France. La la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût. Moi, quand elle ne sera plus, je te parie 100 sous. Ouais, c'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. À quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais, le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la naissance de la Ve République, dont nous allons parler avec notre invité, si je puis dire, puisqu'il est chez lui aussi. Thomas Laurent, bonjour. Bonjour Fabrice. L'éditorialiste politique de France Inter, de la matinale de France Inter, et auteur de cette BD qui s'appelle tout simplement L'Histoire de la Ve République. C'est aux Arènes BD en partenariat avec France Inter. Alors c'est vraiment une lecture que je vous... Et avec les dessins de François Varzala. J'allais venir parce qu'il dessine très bien. On connaît vraiment tous les personnages. Il n'y a pas de caricature. On est dans le réel, le réaliste. Même vous, d'ailleurs, votre côté Tintin Porter, hein, vous êtes dessiné. Et c'est bien dessiner les DS. C'est important, oui, pour la 5e République, les DS, les voitures. Hein. Exactement, la fameuse DS noire du président. Enfin, c'est une lecture à la fois récréative et pédagogique. Bravo. Alors, la 4e est tombée comme un fruit mûr, hein, victime de ses propres faiblesses, ce qui fait d'ailleurs qu'on oublie ses forces, on y reviendra. Ah oui. D'ailleurs, elle en était consciente, hein, de ses faiblesses, la 4e, puisque depuis des mois, voire des années, nombreux avaient en tête, parmi les députés de la 4e, de réformer cette constitution de cette république. Est-ce que ça veut dire que finalement le terrain était prêt, qu'il y a eu évidemment la question algérienne qui a fait une crise de régime et qui a débouché sur la 5e, mais est-ce que ça n'était pas prêt finalement? Est-ce que c'est pas tombé comme un fruit si, mûr, c'est le 4e. Si, tombé comme un fruit mûr, il y a eu... Il y avait une manifestation qu'on a un peu oubliée, une manifestation de policiers en 1958 où vraiment on a cru à un moment qu'ils allaient rentrer dans le ministère de l'Intérieur et refaire comme en 45, reprendre la préfecture, et il n'y avait plus d'État. Pour les Français, il n'y avait plus d'État. C'était pas simplement l'Algérie. L'Algérie, c'était évidemment primordial, mais il n'y avait plus d'État. Cette succession de président du Conseil et cette impuissance, il y avait aussi une crise financière. On allait toujours chercher de l'argent auprès des Américains. Et puis, la France, normalement, elle existe politiquement au-delà de son poids international. Elle a un message qu'elle doit porter, qui est un peu universaliste. Et là, elle ne le portait plus. La 4e République, qui a beaucoup fait, hein, quand même. Vous avez bien raison de dire. Elle a présidé le redressement de la France. Bah oui. Elle a mis sur pied le modèle social. Elle a reconstruit la France. Oui, elle a mis sur pied le modèle social que nous connaissons. Oui. Et surtout, c'était un exercice démocratique accompli. Ah oui. C'est une démocratie courageuse, hein, le régime parlementaire. Courageuse, très parlementaire. Et on a une tradition parlementaire avec la 3e République, avec de grands parlementaires, Clémenceau, enfin bon. Mais il y a eu un moment où il y a eu ce besoin d'incarnation, parce que la France se délitait et on était au bord de la guerre civile. Là oui. Le principal aide-de-camp du général dans cette affaire, c'est évidemment Michel Debré. On dit toujours c'est le rédacteur de la Constitution. Quelles étaient les aspirations de Debré? Qu'est-ce qu'il voulait comme modèle? Est-ce qu'il avait un modèle à l'étranger, par exemple? Non, Debré, il voulait ce que De Gaulle voulait. Et oui, vous l'avez bien montré. Alors De Gaulle, vous l'avez bien montré. Ce que De Gaulle voulait, tout le monde le savait en réalité. C'était le discours de Bayeux en 1946 où tout était dit. C'est vrai. Tout était dit. Et c'est un régime qu'on appelle de parlementaire rationalisé, pour être poli. Parce que c'est pas un régime présidentiel. Un régime présidentiel, selon les constitutionnalistes, c'est quand l'exécutif et le législatif sont hermétiquement séparés, comme aux États-Unis. Là, ils ne sont pas hermétiquement séparés puisque le président de la République a un pouvoir sur l'Assemblée puisqu'il peut le dissoudre. Mais c'est déséquilibré puisque l'inverse n'est pas vrai. L'Assemblée ne peut pas renverser le président. Donc, Ce que Debré voulait, et donc De Gaulle, c'est que le président soit actif, soit et du pouvoir, et que la France puisse parler. La France ait un numéro de téléphone. Et l'État est très centralisé en France. Et les Français aiment l'État et réclament beaucoup de choses à l'État. Donc il faut que l'État ait du répondant. Et l'État, c'est une personne. Voilà, ça doit être une personne, et c'est le président de la République. De Gaulle le voulait ainsi, il a obtenu ça. Alors, ce qui est très intéressant pour Michel Debré, c'est que il pensait quand même, lui, il avait une arrière-pensée, que n'avait pas le général de Gaulle, il était très Algérie française. Ça, c'était son truc, il était très Algérie française, et il pensait que le général de Gaulle, qui disait tout le temps « je vais régler ce problème, je vais rétablir... » Mais il était très flou, il a toujours été très flou, comme dans les petits extraits très connus que vous avez passés, je vous ai compris, on ne sait pas ce qu'il veut dire, il s'adresse à tout le monde, et d'ailleurs, c'était assumé, c'est le flou manipulatoire... on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, bien sûr. Et donc Michel Debré pensait que sa République, la Ve République, allait permettre à l'Algérie de rester dans la France. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans la bande dessinée, donc je suis un personnage, je réalise un fantasme de journaliste, c'est-à-dire de pouvoir être reporter dans le temps. Donc je vais interviewer Michel Debré en 1958. Et alors j'ai fait jouer, et Michel Debré me répond, on est dans un bistrot comme ça, on parle. Et j'ai fait jouer à Jean-Louis Debré, je lui ai demandé, Jean-Louis Debré, le vrai Jean-Louis Debré, son fils, de me faire les réponses. Pour que les réponses soient le plus véridiques possible. Donc il est venu, j'ai été le voir dans son bureau, et il avait les notes de son père. Et il m'a répondu comme son père. Et je lui ai dit, comme si j'étais un reporter de l'époque, Monsieur Debré, est-ce que vous pensez que votre constitution va permettre à l'Algérie de rester dans la France? Jean-Louis Debré, qui évidemment savait que son père était pour l'Algérie française et qu'il y allait se tromper, m'a dit, vous êtes dur. Il m'a fait une réponse langue de bois. Mais voilà, c'était un des buts de Michel Debré, garder l'Empire français. Est-ce que le Barnum, organisé notamment par Malraux le 4 septembre, c'est le début du président monarque républicain, parce qu'il y a une mise en scène, c'est voilà, oui. C'est moi le chef, c'est un contrat entre un homme et le peuple, enfin toute cette réalité. Il y a deux choses dans ce grand rendez-vous de la République, ce meeting des meetings, donc très sécurisé comme vous l'avez bien dit, il y avait deux buts. Le général de Gaulle disait l'élection du président au suffrage universel, ce qui n'est pas encore le cas en 1958, en tout cas le président de la République, de la Ve République, c'est la rencontre entre un peuple, un homme et des circonstances. Trois choses. Et donc là, la mise en scène, c'est ça, c'est l'apparition avec la déesse, enfin c'est pas une déesse, je sais pas si c'était une déesse à l'époque, mais enfin, l'apparition du général de Gaulle, ce grand rideau et chauffeur de salle, c'était ça, effectivement, c'était, je vous présente, c'était sa façon de dire, je fais don de ma personne à la France, pour reprendre le mot d'État, évidemment je ne le prends pas, mais simplement, à l'époque, c'était dans tous les esprits. Tous les opposants au général de Gaulle avaient dans l'esprit deux choses. Tous les opposants au général de Gaulle avaient dans l'esprit un général qui avait gagné une guerre, qui avait été glorieux lors de la dernière guerre et qui revient. Ça faisait peur quand même. Il y avait des bonnes raisons. Oui. Mais surtout, le général de Gaulle, pour faire un carton, ce qu'il voulait, c'est atteindre les 80%. Il a réussi. Il fallait avoir la gauche massivement. Et pour avoir la gauche, il faut aller place de la République, faire un discours. Envoyé Malraux, ancien communiste, qui a su, dans le discours, quand on le lit en entier, il est très beau, il parle même de la Commune, il parle du peuple de Paris, tout l'imaginaire républicain, tout cet imaginaire-là, il était fait pour rameuter la gauche républicaine, qui est quand même très puissante dans notre pays, même une partie des communistes, et il a réussi. Alors, ce qu'on raconte, comme dans le récit, c'est que la cinquième a été écrite dans un temps record, en petit comité. On a dit en gros à René Coty, pousse-la, je m'y mette, on va faire une nouvelle constitution, tu vas voir, ça va être mieux. Est-ce qu'on pourrait parler d'un putsch démocratique? L'oxymore est affreux, mais bon. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a été écrite à la façon d'une république, d'une démocratie illibérale. C'est-à-dire que là, les corps intermédiaires n'étaient pas là. Normalement, une république, une constitution démocratique, elle se fait avec une constituante, une assemblée constituante. Une assemblée assez large, avec des experts qui proposent des textes, et puis on se met d'accord sur des grands principes de séparation des pouvoirs, bon, Tocqueville, tout ça, on revient à tous ces grands principes pré- et post-révolution française. Et fondamentaux, bien sûr, qui sont d'ailleurs respectés peu ou prou quand même dans la Ve République. Mais là, la façon dont c'est fait, c'est vraiment, alors, c'est une bande de jeunes juristes, ils étaient tous très jeunes, et ils sont partis, dans ce château, avec Michel Debré, et ils ont rédigé jour et nuit, ça s'est fait un peu à la hussarde, mais il y avait urgence, Et la France, il faut se remettre dans l'état d'esprit, hein. La France était au bord de la guerre civile. C'est les socialistes, en fait, qui ont sauvé le général de Gaulle. C'est Guy Mollet qui, en acceptant cette république, finalement, la moitié des parlementaires socialistes ont été avec lui, et quasiment tous les électeurs socialistes ont voté oui au général de Gaulle, parce que les socialistes ont considéré qu'on était au bord d'une guerre civile entre, d'un côté, les communistes, il y avait la peur de Moscou, le parti communiste était très fort, et de l'autre côté, les factieux, l'Algérie française, mais aussi les factieux. On a le souvenir encore de tous ceux qui n'avaient pas accepté la République. La droite, jusque dans ces années-là, n'avait pas accepté la République. Alors, il y a quand même... Pas en entier, en tout cas. Pas en entier. Alors, justement, il y a quand même des voix qui s'élèvent, notamment celle de Mendès. Mendès avait vu, en fait, que l'exécutif allait avoir beaucoup trop de pouvoir, qu'il y allait avoir un déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Mendès, on peut dire qu'il avait raison et tort. Il avait raison de s'opposer cette question-là, à cette république, parce qu'il avait compris, lui, il avait une idée de la démocratie adulte, de la démocratie de tous les jours. La démocratie, c'est pas simplement les élections. On donne le pouvoir à un homme qui incarne au lieu de représenter. Ce qu'il voulait, c'est que le président représente et non pas incarne. Bon, c'est la monarchie républicaine. Oui. Et il voulait que la démocratie, ça soit tous les jours, que ça soit avec les corps intermédiaires. C'était une sorte de social-démocratie, si vous voulez. C'est-à-dire les syndicats, enfin, que tout le monde soit concerné. On appellerait ça aujourd'hui l'horizontalité. Mais tous nos sociaux-démocrates de Michel Rocard, voilà. Delors, ont voulu ça. Bien sûr. Se revendique de Mendès, d'ailleurs. Mais bien sûr, il se revendique de Mendès. Et d'ailleurs, pendant la campagne, Emmanuel Macron Hollande se revendiquait de Mendès aussi. Oui. Et il parlait beaucoup d'horizontalité. Finalement, il a appliqué la verticalité. On y viendra peut-être. C'est ce qui le paye aujourd'hui, on pourrait dire. Mais Mendès, voilà, avait prévu quand même ce grave défaut démocratique que constitue quand même la Ve République. Même si, moi, je reste, après avoir écrit ce livre, je pense que la Ve République est réformable. Elle a été réformée, d'ailleurs. Elle a respiré. Il manque la respiration démocratique entre les élections présidentielles. Et puis, il y a cette élection, voilà. On va peut-être venir, 62, ça c'est très important. Eh ben, allons-y, puisque vous... 1962, l'élection du président. On décide que, par référendum, que le président sera élu au suffrage universel. Voilà. Est-ce qu'il se passe 3 ans après? Voilà, c'était l'idée de base du général, mais il n'a pas osé quand même l'imposer, parce que là, c'est vrai qu'il y avait le souvenir de tous les démocrates, de tous les parlementaristes, le souvenir de Napoléon III, hein, et de MacMahon. C'était pas des souvenirs très glorieux, les deux élections présidentielles au suffrage universel. Et il a réussi, comme toujours, il dit, c'est les circonstances qui vont me permettre de le faire. Et les circonstances, ça a été l'attentat du petit Clamart par l'OS, où le général de Gaulle a vraiment failli mourir, et ça a ému la France. Et il a dit à ce moment-là, on va profiter de ce moment-là, de cette émotion, pour faire passer la chose. Et il dit aux Français, en gros, il dit, il faut que l'élection du président soit au suffrage universel pour qu'il ait une puissance, une légitimité très forte. Parce que moi, j'ai une grande légitimité parce que j'ai sauvé la France 2 fois. C'est l'histoire qui m'a donné. Mais ceux qui viendront après moi. Mais ils auront pas ça. Donc il faut qu'ils aient l'onction populaire. Et donc, il fait croire, parce qu'en 62, il fait croire à tout le monde que lui, il se représentera pas en 65. Et donc, il fait accepter ça. Et c'est très gonflé. C'est très politicard. Et le général de Gaulle était aussi politicard. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, justement, ses successeurs, on en parle. Rapidement, je voudrais dire un mot sur la situation d'aujourd'hui par rapport à nos institutions. Notamment François Mitterrand, alors qui, lui comme d'autres, mais lui surtout, dans le style, endosse les habits de la Ve République, parce qu'ils sont quand même, pour un président, assez confortables. Il faut bien l'avouer. Et puis alors avant, on va écouter sur ce point une archive vraiment amusante. Pierre Jox, qui raconte une anecdote dans le documentaire intitulé La Ve République, ceux qui ont dit non, de Philippe Sada, une production O2B Film, Public Sénat. Donc, Jox parle de Mitterrand. Si on est élu président de la République, son propre nom, on n'est plus le même. Moi, je les ai connus avant d'être président et après. Pourquoi ils ne sont plus le même? Parce que tout d'un coup, ils sont dans une situation extraordinaire. Un député n'est pas dans une situation extraordinaire. Seul, il ne peut rien. S'il n'est pas dans une majorité, si, il peut agir, il peut rassembler autour de lui, mais seul il ne peut rien. Un président de la République, seul il peut décider des choses incroyables. Même Mitterrand, quand à la bibliothèque, la grande bibliothèque à Georges-Anne dans son bureau, il y avait la maquette de la très grande bibliothèque. Je regarde ce truc-là, je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est la maquette de la grande bibliothèque, c'est horrible. Horrible, comment c'est horrible, non? Vous voyez la symbolique des livres, il n'y a pas un livre qui ressemble à ces blocs, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, écoutez, de toute façon, vous n'êtes pas chargé de ça, vous n'avez pas été... Je lui dis, mais vous non plus. Comment? Il y a que Louis XIV qui décidait qu'on faisait Versailles, qu'on amenait de l'eau. Mais pourquoi vous croyez que c'est vous qui allez choisir le bon modèle architectural et technique pour une bibliothèque au nom de quoi? Alors, tout est dit par Jogues sur ce qui est peut-être la dérive la plus gênante de cette constitution, c'est le président monarque qui jusqu'à être le président constructeur, Louis XIV, oui. Tout ça. Et c'était une époque, jusqu'à Mitterrand et peut-être Chirac, où d'ailleurs les présidents avaient ce pouvoir, avaient beaucoup de pouvoir. C'est vrai que ça changeait après. Le général de Gaulle pouvait tirer une ligne sur une carte et décider qu'il y a une ligne de chemin de fer ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il le faisait, il avait des plans quinquennaux, il avait des frontières, un franc. Le prix de la baguette était fixé en Conseil des ministres. Donc il avait énormément de pouvoir. Mitterrand est devenu monarque alors que, vous l'avez rappelé, il a écrit le coup d'état permanent. Mais moi, il y a une raison politique. Bon, il y a toutes les raisons dégotiques. Mitterrand, voilà, il était comme ça, classique. Mais il y a une raison politique. Il était contre la Ve République parce qu'il pensait qu'elle n'était pas démocratique. Et puis quand il arrive, le 10 mai 81, eh ben finalement, c'est la preuve qu'elle est démocratique. Puisque cette constitution permet de survivre au général de Gaulle, survivre au gaullisme. Et une cohabitation en plus. Et puis, surtout, permettre l'alternance, ce qui est la preuve que c'est une république démocratique. Donc il n'a plus de raison fondamentale de s'y opposer, mais il ne le dit pas comme ça, évidemment. D'accord. Il se dit donc que si la gauche réussit à arriver au pouvoir, c'est aussi parce que les institutions le permettent, elles sont démocrates. Alors, est-ce que vous pensez, Thomas Legrand, comme un certain nombre d'éditorialistes, qui le disent avec prudence quand même, mais qu'on vit là, aujourd'hui, avec le conflit des Gilets jaunes, une crise de régime, et donc une crise de ce régime-là dont on a raconté la naissance? Moi, je pense pas qu'elle vit une crise de ce régime-là. Elle vit une crise de régime, une crise de représentation, effectivement, mais la Ve République, elle a beaucoup évolué. Hein. La réforme la plus importante, c'est de permettre la saisine du Conseil constitutionnel, c'est Giscard qui a voulu ça, par l'opposition, ce que voulait pas du tout le général de Gaulle. Mmh. Et du coup, le Conseil constitutionnel, de lui-même, a décidé qu'il allait juger de la légalité des lois à partir des droits de l'homme, du socle de la Ve République, qui était les droits de l'homme, qui étaient déjà dans le socle de la Quatrième République. Ce qui donne une protection des droits énorme et qui fait de la Ve République finalement une république vraiment démocratique. Et elle a respiré. Il y a des petites modifications et je pense qu'on peut, même le Parlement peut prendre beaucoup plus de choses en main que ce qu'il fait en ce moment. Avec un président, peut-être celui-là, qui se rendrait compte ou un prochain qui déciderait qu'il faut avoir une vision plus horizontale. Plus Mendeziste, finalement. Ouais. Moi, je trouve que si Mendes est le drame de la France, et que Mendes et De Gaulle ne se soient pas entendus, ça, je trouve ça dramatique. Mais bon, on peut l'espérer. Mais la Ve République a cette solidité dans le monde tel qu'il est, qui est quand même très rassurante, je trouve. Donc, elle peut respirer, elle peut s'assouplir, et je crois qu'on aura les réponses dans les mois qui viennent. Toute dernière chose, on a créé le quinquennat, mais on a créé la concomitance du quinquennat avec la législature, oui. Je vous expliquais tout à l'heure. Ça fait quand même un chèque en blanc pendant 5 ans. Alors ça. Moi, c'est une grande théorie que soutiennent beaucoup de gens. Moi, oui. Je trouve pas, de toute façon. Le président, quand il était pas content, il se faisait élire, et puis il se levait l'Assemblée, et il y en avait une autre. Donc, de toute façon, il y avait toujours des législatives après les présidentielles. Donc, je pense pas que le quinquennat ait changé grand chose. Le quinquennat a simplement rajouter encore, accélérer au quinquennat temps. Et le calendrier. C'est... Mais même, c'est bon. Pareil. Le quinquennat a rajouté de la vitesse. Et la vitesse, c'est un peu de la précipitation en politique. Ça sera le mot de la fin, cher Thomas Legrand, parce que l'heure, c'est l'heure. Merci beaucoup. À lundi matin. Merci. Non, on est jeudi. À demain matin. À demain matin, oui, bien sûr. Bien sûr, à demain matin. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la naissance de la Ve République, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission livre, référence, tiens, à propos de livre, l'histoire de la Ve République en BD de Thomas Legrand et François Varzala. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes effectivement jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Héloïse Daviau, Adrien Cara, Simon Maisonneuve et Jean Bulot, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Boulet.